Chapitre 57e. Une somme de 24 francs 55 centimes n'est pas un fonds inépuisable. La société, qu'il savait bien, s'intrigua pour trouver de l'ouvrage, mais il n'y eut pas moyen de s'en procurer. Le 11e jour, au matin, la marmite était encore renversée. « C'est cette fois, disait Frédéric, qu'il nous faudra pendre nos dents au crochet. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Adèle ? Je ne sais pas, j'ai un pressentiment. Je veux absolument me satisfaire sur ce point. Si je ne réussis pas, je n'aurai du moins rien à me reprocher. Vous ne réussirez pas. Quand quelqu'un est dans le guignon, il a beau faire, il se noierait dans son crachat. C'est égal, j'en aurai l'âme nette. » Adèle sort et se rend chez le commissaire de bienfaisance. À l'aspect du banc fatal sur lequel elle fit naguère une si triste station, elle frémit, hésite. Peu s'en faut qu'elle ne rétrograde. Cependant, il n'est pas midi. On ne peut refuser de l'introduire. Elle s'arme de résolution et franchit le seuil. « Où allez-vous ? » lui crie l'inflexible portier. « Chez monsieur. Il ne fait pas jour. Vous repasserez à 11 heures. » Adèle ne manque pas de revenir. Le coup de cloche d'avertissement est donné. « Vous pouvez monter. » Elle monte, et après avoir subi les délais et les impertinentes curiosités de l'antichambre, elle obtient l'audience qu'elle sollicite. Le commissaire la reçoit. Il est nonchalamment assis dans un fauteuil, et les yeux attachés sur la quotidienne, dont un article le fait sourire. « Que demandez-vous » dit-il. Adèle expose sa situation et celle de ses amis. Le tableau qu'elle déroule est des plus déchirants. Mais il n'a pas daigné suspendre sa lecture, et déjà depuis 20 minutes elle a cessé de parler. Lorsque je tourne le journal sur un guéridon, il rompt le silence par ce singulier aparté. « Ma foi, tout bien considéré, c'est de variété que j'irai ce soir. »« Ah, vous êtes là, la femme. Vous dites donc que... »« Monsieur, je viens implorer. »« Oui, je vois ce que c'est. Êtes-vous mère de famille ?»« Non, monsieur. » « Vous n'avez pas 60 ans. Avez-vous quelques infirmités ?»« Non, monsieur. Vous êtes jeune, vous vous portez bien, vous avez de bons bras. Que voulez-vous de plus ?»« Que le bureau de charité vous entretienne à rien faire ?»« Je suis ouvrière, et je ne demanderai pas mieux que de travailler. »« Est-ce à nous à vous donner du travail ?»« Ah, monsieur, si c'était un effet de votre bonté. »« Je suis dans la dernière des misères. »« Le bureau n'y suffirait pas. » S'il fallait secourir tous ceux qui sont comme vous, avez-vous des recommandations? Connaissez-vous quelqu'un? Non, monsieur. Faites appuyer votre demande, alors on verra. Mais monsieur, par qui voulez-vous que je la fasse appuyer? N'avez-vous pas un curé dans votre paroisse? C'est bien simple, apportez-moi une lettre de lui. La démarche exige du temps, et je suis sans pain. Tant pis pour vous, je ne peux qu'y faire. En attendant, que deviendrai-je? Il faudra donc que je me mette voleuse. Comme il vous plaira, mais la justice est là. Au surplus, vous n'avez plus rien à me dire. Bonjour. Bonjour. Alors il se lève et sonne ses gens. Eh bien, vous restez là, vous ne m'avez pas entendu? Pardon, balbutie Adèle, qui, sous les longs plis de l'immense robe de chambre dans laquelle il est enveloppé, a cru reconnaître la figure à laquelle avait obéi les mouchards. À ce moment, un domestique paraît. Cordonne, monsieur. Dites à la cuisine qu'on serve mon second déjeuner, et dépêchez-vous, je meurs de faim. Vous ferez mettre les chevaux à la voiture pour 3 heures. Monsieur ira-t-il à la bourse ? Oui, allez. Adèle est immobile et muette. Quand vous me regarderez jusqu'à demain, lui dit le commissaire, que vous en reviendra-t-il ? Voulez-vous m'obliger à vous faire prendre par les épaules ? Je vous le répète, voyez votre curé. Adèle n'avait rien à objecter et moitié indignée, moitié interdite. Je vous remercie, dit-elle au commissaire en prenant congé de lui. Je suivrai votre avis.